des fesses, même si il fait un peu trop chaud. Arrête de râler, tu m'agresses. Arrête de râler, c'est pas beau. Tu ferais mieux de bouger.